Non, ils sont pas téléguidés à faire l'oseille sans décider. Faut tout s'attendre qu'à faire des tunes à fluider. Faut se faire à l'idée. L'idée. Ton meilleur poteau peut cacher ton idée. Qui espère accéder. Ne t'en jamais céder. Personne viendra t'aider. Si t'envoies les m'aider. Pour toujours je veux m'en aller dans les îles Baléares. Ou bien sur un bord de mer aux Caraïbes. Tu veux du mal à la musique, je vais t'en donner là. On se fait tout seul, tu veux de la bombe, ça arrive. Trop de jaloux, ça arrive sur la porte, on navigue. Comme des pirates, tu bitumes dans le panique. Ce n'est que du talent, ni voir un magique. Le bonheur peut avoir une fin tragique. Pour trop tout la vie, c'est pas facile. Avec Dieu, rien n'est impossible. Les passes, les limites, la peine, je m'en décroche, on envoie les signes. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Viens-moi, l'amour est noisy comme des rayons là-bas. C'est vrai que parfois, j'ai du mal à prendre sur moi. Une fois les braves, je vais capter le rêve sur moi. On leur fait fort mal, je fais pas ça pour moi. Je compte pour mon équipe pour remporter le tournoi. Les années sont passées, rien n'a changé. Personne ne sait, mais tout le monde veut venger. Être solidaire, ils n'y ont jamais songé. Quelques jaloux après, ils sont désolés. Si tu es avec toi, tu seras bien épaulé. Pour d'abord, on va te faire décoller. Inattendu dans le game, pour ton comme l'outsider. Mais des ratés qu'on fait des têtes, pour bon, my young. Je me verrai bien partir au bête, un air, oui, it's fire. On déploie toujours en équipe, pour ton comme les riders. Cynique, photo peu de solidaire. Beaucoup qu'on est carcéré, triple qu'on libère. Ça se promène gilet par balle sous le pull au vert. Photo on a charbonné tout l'été, charbonné tout l'hiver. Regarde froid, on est toujours sur les nerfs. Y'a trop de fils de pute, mais c'est pas la faute à leur mère. Combien se sont fait péter, puis c'est pas leur cellulaire. Comment ça balance gratuitement, pas besoin qu'on les rémunère. Faut du bise dans le désert, les clignes sont visères. On consomme H24, on snique les viscères. Le terre-terre se meurt, trop de bise dans 10 heures. Pour faire entrer des tonnes, faut casquer le commissaire. C'est grave, allez leur dire ce que tu penses, il faut le faire. Les petits sortent les revolvers. On donne tout pour la team, on fout la hâte en concert. On change de pied, quand on monte tête, on sert. Les années sont passées, rien n'a changé. Personne ne sait, mais tout le monde veut manger. Être solidaire, ils n'y ont jamais songé. Quelques jaloux après, ils sont désolés. Si tu es avec toi, tu seras bien épaulé. Pour d'abord, on va te faire décoller. Inattendu dans le game, pour ton comme l'outsider. J'ai des ratés, on fait des têtes, pour ton my hand. Je me verrai bien partir au bled d'un Remy Spider. On se déplace toujours en équipe, pour ton comme des riders. Hola, que tal, que pasa hombre. Les années passent, mais t'es que j'ai pas sombré. Demande à Chan, Reda de l'ombre. L'équipe est là, pas besoin d'être nombreux. Ok, les neveux, plus le temps, je suis pressé. Tous tes rappeurs, je vais les dresser. Dis nos malheurs, on est compressé. Mais dans la galère, on n'aura jamais stressé. Besoin de s'évader, Camille Musique, on baisse tout. Sur le beat, on en charge le 15 coups. On arrive, on est 15 cours. Ça bosse dur. Le jour se lève et je vois toujours les mêmes cours. Oui, 13.2, c'est là que tout part. Fais pas le fou, tu seras chez toi de tout part. Quand j'arrive masqué, d'infuser les touches. Car Camille m'a la vie, depuis le début, ça bouge pas. Les années sont passées, rien n'a changé. Personne ne sait, mais tout le monde veut manger. Être solidaire, ils n'y ont jamais songé. Quelques jaloux après, ils sont désolés. Si tu es avec toi, tu seras bien épaulé. Pour d'abord, on va te faire décoller. Inattendu dans le game, photo comme l'outsider. J'ai des ravis, coupé des têtes, trop comme my hand. Je me verrai bien partir au bled, un Remy Spider. On déploie toujours en équipe, photo comme des riders. Les années sont passées, rien n'a changé. Personne ne sait, mais tout le monde veut manger. Être solidaire, ils n'y ont jamais songé. Quelques jaloux après, ils sont désolés. Si tu es avec toi, tu seras bien épaulé. Pour d'abord, on va te faire décoller. Inattendu dans le game, photo comme l'outsider. Des terrains découpés, des têtes, trop comme Highlander. Je me verrais bien partir au bled, un Remy Spider. On se déplace toujours en équipe, photo comme des riders. Les années sont passées, rien n'a changé. Être solidaire, ils n'y ont jamais songé. Ils te jalousent après, ils sont désolés. Si tu es avec toi, tu seras bien épaulé. Bon, d'abord, on va te faire décoller. Les années sont passées, rien n'a changé. Être solidaire, ils n'y ont jamais songé. Quelques jaloux après, ils sont désolés. Si tu es avec toi, tu seras bien épaulé. Bon, d'abord, on va te faire décoller.